sans faire de détour. Poto c'est court, profite au max et puis fais tout pour t'en sortir avec ou sans coup de pouce. Un monde de requins et de vautours. Surmonte les épreuves et les coups de blues. Ouais j'couse, si t'as une galère j'ai à la rescousse. Et je chante ma peine au mic. Une clope, un verre de Jack. J'mets pas, j'oublie que la vie est fâche. J'écoute, raconte et toutes les fables. À croire que la paix c'est toutes les femmes. Écoute et toutes les calmes. Que t'as des milliers de fans. On dort peu, trop dangereux, trop dangereux mon dieu. La tristesse dans tes yeux me pousse à faire mieux. La débrouille. Je m'en balèque, des frérots au heps, vous me manquez les mecs. Je vois que la nezo dans mon